suivante, c'est Julie Dandurin, donc, qui est en poste à la division recherche de l'école militaire, également chargée de cours dans cette université, qui va nous présenter une communication donc, intitulée « Entre les armes et les larmes, le Moyen-Orient convoité, disputé, redessiné, 1906-1926 ». Et je n'oublie pas de dire également que Julie Dandurin est membre du bureau de notre association. Merci Jean-Pierre. Donc moi je vais vous présenter effectivement cette question du Moyen-Orient durant la période de la Première Guerre mondiale. Et vous remarquerez dans le titre que j'ai choisi que je n'ai pas choisi de conserver les dates de 1914 et 1918. Et ça va être l'un des points importants de ma démonstration, c'est de poser la question des dates qu'il faut poser sur la Première Guerre mondiale quand on parle de l'Orient. Deuxième point de la démonstration, pour reprendre ce que vient de dire M. François Georgeon, il y a aussi une invention importante de mots, et en particulier le mot géographique, et en particulier cette invention du mot Moyen-Orient, qui est le cœur de votre sujet. Alors, dans une introduction un petit peu longue qui me paraissait importante pour introduire la thématique, eh bien, il faut savoir, en fait, comment doit être défini exactement le Moyen-Orient, c'est le cœur de votre problématique annuelle. Et en fait, quand on pose cette question de comment définir le Moyen-Orient, en réalité, derrière, il faut se poser la question de qui définit le Moyen-Orient. Et à partir du moment où vous avez cette réponse, vous commencez à aborder la question de la réponse, de savoir qui définit le Moyen-Orient, eh bien, vous commencez à entrevoir en fait les enjeux qui ont été posés au Moyen-Orient un petit peu avant la guerre, et ça permet de mieux appréhender cette question des dates. Alors, je passe à l'introduction toujours. Donc, comment définir le Moyen-Orient et qui le définit? En fait, le mot apparaît très officiellement en fait dans les textes à travers le Times sous la plume d'un journaliste qui est le directeur du département des affaires étrangères du Times, Valentine Chevrol, qui lui donne vie en fait dans un ouvrage tout à fait fameux qui porte le titre « Leader Wisdom Question » qui est une expression traditionnelle en fait pour en relation internationale pour qualifier les problématiques internationales. Et ce terme en fait de leaderlist, eh bien, est un terme qui ne correspond pas à la Mésopotamie, en tout cas pas tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Ça correspond plutôt dans l'esprit d'un Anglais à la Perse et au Golfe Persique, et donc à une région terrestre qui est la région où Valentine Chevrol a voyagé entre 1902 et 1903. Qu'est-ce qui est nouveau dans son propos? Eh bien, c'est qu'il discrimine pour la première fois le Far East, c'est-à-dire la Chine et le Japon, du Middle Asia, qui est une autre expression qu'on utilise à ce moment-là au Times, et ce Middle Asia est bientôt transformé en Middle East. Et ce qui intéresse Chevrol, ce qui l'inquiète surtout, c'est qu'en 1902-1903, eh bien, il voit dans ce Middle East le chemin de fer de Bagdad qui commence à être construit et qui est financé par les Allemands. Et il s'inquiète de voir entrer les Allemands dans ce qu'on appelle le grand jeu, c'est-à-dire la rivalité entre les Russes et les Anglais. Alors, toute la question va être posée de ce qu'on va faire de la Turquie arabe, la Turkish Arabistan, et plus généralement de la Turquie asiatique, Asiatic Turkey, qui sont des terres qui intéressent les Anglais, tout simplement pour relier l'Angleterre avec l'Empire des Indes, et les Anglais, à cette époque-là, se sont intéressés très naturellement au canal de Suez, je vais y revenir naturellement tout à l'heure, mais il y a d'autres problématiques qui sont des problématiques maritimes. Alors en réalité, Valentine Chevrol a popularisé un vocabulaire qui n'est pas inventé par lui et qui montre un autre aspect problématique de cette question du Moyen-Orient. C'est un vocabulaire qui est inventé par Alfred Kemahan, qui est un Américain, et qui est un formidable dénicheur de mots nouveaux, puisque donc c'est lui qui invente cette notion de Middle East, mais c'est surtout lui qui a inventé le concept de Sea Power, qui est une manière en fait de décrire la nouvelle puissance, la nouvelle capacité en fait qu'ont certains États de développer leur puissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le vocable repris par Chevrol et repris par Mahan, en fait, on trouve tout le champ géostratégique, c'est-à-dire un champ à la fois terrestre pour Chevrol et un champ maritime ou maritimiste pour Mahan. Donc, on arrive aux alentours de 1902 à cette idée que le Moyen-Orient eh bien, est un espace qui est un espace terrestre enfermé entre deux mers qui intéressent les Britanniques, c'est-à-dire la mer Méditerranée et l'océan Indien. Alors ces notions en réalité s'appuient sur des notions plus anciennes, je vous ai parlé du Far East tout à l'heure, il existe aussi la notion de Near East, qui sont en fait des notions qui existent depuis le milieu du 19e siècle et qui sont utilisées dans le cadre d'une question plus globale qu'on appelle la question d'Orient. Et cette question d'Orient, le cadre de la question d'Orient, eh bien, est une expression qui traduit la rivalité des puissances européennes. Elles sont assez nombreuses, mais on peut les résumer à quatre grandes puissances, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et la Russie, et qui envisagent en fait de se partager les dépouilles de ce qu'on a appelé au milieu du 19e siècle l'homme malade de l'Europe. Donc vous connaissez ces expressions, mais naturellement, eh bien, tout ça va prendre du sens à partir de 1902. Alors voilà pour la définition anglo-saxonne du Moyen-Orient. Deuxième définition, eh bien, qui va plus être le Proche-Orient, c'est une proposition qui est amenée par les Français. Français, en fait, qui s'appuie sur la notion de Middle East pour définir quelque chose qui est plus proche d'eux et qui est le Levant ou l'Orient, ils utilisent alternativement ces termes, et c'est plus généralement la Méditerranée orientale qui les intéresse. Et puis, ce Levant, ce Proche-Orient, et bien naturellement, dans l'esprit des Français, distingue de temps en temps, pas toujours, le Maghreb, dont on ne parle pas dans votre sujet sur le Moyen-Orient, et le Mashrek qui correspond au Moyen-Orient. Et c'est plutôt, dans l'esprit des Français, un Orient qui est plutôt chrétien, centré sur le Liban, sur la Cilicie et sur Jérusalem. Et puis, il existe une troisième approche qu'il va falloir prendre en compte, qui est celle des Ottomans et des Arabes. Pour les Ottomans, c'est relativement simple. Ils ne prennent pas naturellement en compte la notion de Middle East ou de Moyen-Orient. Pour eux, c'est l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman, je vais vous donner une représentation de l'Empire ottoman. Ce sont les territoires en marron jusqu'à la Tripolitaine et la Tunisie. Mais la Tunisie, la Tripolitaine et l'Algérie, qu'on ne voit pas sur cette carte, ont été occupées par les Français. L'Égypte est un territoire qui est devenu pratiquement indépendant à partir de Mehmed Ali, ou de Mohamed Ali dont on a parlé ce matin, et qui est sous une tutelle tout à fait informelle anglaise depuis 1882. Et puis, il existe enfin une définition arabe de cette zone, c'est le Bilad al-Sham, qui correspond vaguement à la Mésopotamie, parfois à la Syrie, et à une Syrie qui serait plutôt une Syrie littorale, c'est-à-dire qui fait abstraction de la partie désertique qui se trouve au centre de la Mésopotamie. Alors naturellement, eh bien, toutes ces définitions sont contradictoires, s'opposent les unes aux autres, et naturellement, ce qui va se jouer pendant la période de la Grande Guerre, et une Grande Guerre qui, vous allez le voir, est assez élargie, eh bien, c'est la redéfinition en fait, de cet espace et la recomposition de cet espace. Toute la question étant de savoir qui va l'emporter dans la redéfinition de l'espace. Alors, ce qui est intéressant, en fait, de constater, c'est qu'en réalité, c'est pour ça que j'ai choisi cette date de 1906. Alors, il y a plusieurs dates de début qui seraient possibles, 1906, 1911, on peut prendre naturellement 1914. Pourquoi je prends celle de 1906 ? Eh bien, parce qu'il y a à ce moment-là un changement de paradigme qui est un positionnement nouveau de la part de l'Angleterre, positionnement nouveau qui tient au fait qu'il y a eu une petite affaire qui s'appelle l'affaire de Taba ou l'affaire d'Aqaba, qui révèle aux Anglais l'intérêt qu'ils ont pour le canal de Suez et la nécessité pour eux d'avoir la mainmise sur ce canal et une mainmise qui soit totalement pérenne. Cette affaire de tabac peut être considérée comme un point de départ dans la mesure où, à partir de cette date de 1906, les Anglais abandonnent une des positions qui avait été la leur depuis très longtemps, la fin du XVIIIe siècle, qui est celle de l'intégrité de l'Empire ottoman. En quelque sorte, l'Angleterre jouait le rôle de nation cadre qui assurait la pérennité de l'Empire ottoman. Et à partir de 1906, à partir du moment où l'Angleterre ne considère plus l'intégrité de l'Empire ottoman comme un élément extrêmement important, eh bien, cette question ouvre la porte, en fait, à des divisions et à des séparations. Alors, on peut ensuite voir différentes périodes, différents moments qui vont être importants pour entraîner cette division. Et j'en ai choisi une, il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi une, qui est d'aborder la question de la rivalité entre les Turcs et les Arabes. Alors, cette rivalité entre les Turcs et les Arabes remonte, c'est très ancien, ça remonte à Constantinople, au rescrit dont on a parlé de ce matin, de 1839 et de 1856, qui impose l'égalité entre les musulmans et les dhimmis. Et en réalité, les rescrits, une fois qu'ils vont s'imposer, eh bien, vont entraîner petit à petit une dissociation croissante entre les Arabes et les Turcs. Et ces rivalités vont se formaliser étonnamment à travers la question sioniste, c'est-à-dire à travers l'apparition des Juifs en Palestine, qui vont révéler en quelque sorte aux Arabes leur identité, qui vont leur permettre de se sentir différents des Juifs, mais dans le même temps différents des Turcs, qui eux, pendant le même temps, ont des penseurs qui sont en train de penser une identité turque qui serait indépendante de l'identité arabe. Alors qu'est-ce que ça signifie au fond tout ça? Ça signifie que l'identité ottomane qui avait prévalu tout au long du 19e siècle est en train de s'effriter, et elle s'effrite de l'intérieur, et c'est ça qui va entraîner en fait des révolutions importantes. Alors le texte que je vous ai présenté ici est un texte très connu, c'est le texte de Megi Bazouri, qui publie donc en 1905 un texte qui est tout à fait fameux, Le réveil de la nation arabe. Il le publie avec le soutien des affaires étrangères français. Et vous avez là déjà, à travers cet élément, eh bien, un premier élément de la décomposition du monde arabe. Cette décomposition du monde arabe va être accélérée par le jeu des puissances, c'est-à-dire le jeu des Anglais et des Français qui se mêlent de cette affaire. Alors pourquoi les Français et les Anglais se mêlent de cette affaire? Eh bien parce qu'il y a des enjeux stratégiques qui existent déjà avant la guerre. Et principal enjeu stratégique pour les Anglais et pour les Français, eh bien, c'est la question toute simple, toute bête, mais extrêmement évidente, qui est celle du canal de Suez. Donc ce canal de Suez, je vous rappelle que ce canal a été une construction qui a été faite au départ sur financement français avec Ferdinand Lesseps, hein, et qui va être inaugurée en 1869. Et puis ensuite, entre 1869 et 1882, le canal de Suez va se développer, il va se révéler être une affaire financière relativement intéressante, mais dans le même temps, le Khedive égyptien, qui est à la tête de l'Égypte, eh bien, s'est endetté, a beaucoup endetté son pays pour le moderniser, et va être obligé de céder en fait les parts financières du canal qui vont de ce canal et des parts financières du canal à partir, donc dans la période comprise entre 1869 et 1882, et en 1882, à la suite d'une opération militaire, eh bien, ils s'implantent durablement dans le pays autour du canal pour protéger le canal. Alors, cette voie maritime est essentielle pour les Anglais puisqu'elle leur permet de rallier le joyau de l'Empire que sont les Indes, dans un temps qui est non seulement très raccourci, mais bien évidemment, vous comprenez avec l'adage de temps et de l'argent, avec un gain financier extrêmement important qui fait qu'ils ne peuvent pas se permettre d'accepter qu'il y ait des concurrents dans cette région. Et les concurrents, eh bien, il y en a. Et on en voit arriver de plus en plus, et on les voit arriver notamment avant la Première Guerre mondiale, avec les Italiens qui ont une prétention à disposer d'un territoire. Là, on est dans un schéma de pensée qui est un schéma colonial. Les Italiens ont très peu apprécié l'implantation des Français en Tunisie. Il y avait beaucoup de représentants italiens. Et donc, après 1882, après l'installation des Français en Tunisie, les Italiens n'ont de cesse de s'implanter en Afrique du Nord. Et cette implantation, eh bien, ça va être la Tunisie. Ça va être ce qu'on appelle la Libye, pardon. À l'époque, on parle de Tripolitaine et de Cyrénaïque. Et cette implantation, eh bien, se fait en 1900. Cette guerre italo-turque est importante, et si moi j'avais à choisir une date pour qualifier le point de départ de la Première Guerre mondiale dans l'Empire ottoman ou au Moyen-Orient, je choisirais celle-ci. Alors pourquoi choisir cette date comme point de départ de la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient? Eh bien, parce que dans les modalités de la guerre qui vont être utilisées par les Italiens, on a tous les principes de guerre, les principes tactiques et les principes stratégiques qui vont être utilisés ensuite dans la Première Guerre mondiale. On a une utilisation de l'aviation, déjà en 1911, donc avant la Première Guerre mondiale, une utilisation de l'aviation pour bombarder les douars entre l'Italie et Cyrénaïque. On a également l'utilisation massive des navires. On a également, par les effectifs déployés, une guerre qui est déjà une grande guerre, puisque les Italiens mettent sur le territoire libyen plus de 60 000 soldats, alors qu'ils ont en face d'eux 25 000 Turcs. Et on va avoir une guerre qui va être extrêmement dure, extrêmement difficile, et qui préfigure déjà, en fait, d'un point de vue tactique, la Première Guerre mondiale. Deuxième élément dans cette guerre qui est intéressant du côté des populations arabes, c'est de voir comment l'islam va être utilisé dans cette guerre comme un outil de lutte contre l'occupant chrétien. Et il va y avoir dans cette guerre italo-turque, eh bien, un recours à la propagande par l'islam, c'est-à-dire une sorte d'appel au djihad, qui va être utilisé par les populations locales contre les Italiens. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir dans cette rivalité entre les Turcs et les Arabes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que le sultan ottoman ne réagit pas tellement, en fait, aux demandes d'appel à l'aide des populations de Tripolitaine et de Cyrénaïque, et que cette guerre italo-turque, eh bien, participe au creusement des écarts entre les Arabes et les Turcs, et à l'idée que leur destin, un jour, doit se séparer. Alors finalement, la Grande Guerre qui démarre en 1914, eh bien, va achever un processus qui était déjà commencé auparavant, et c'est ce que l'on va voir dans une deuxième grande partie, donc les différentes étapes de la Grande Guerre. Alors, on pourrait naturellement développer de façon très très importante cette question sur la Grande Guerre au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais me focaliser sur un certain nombre de points pour ne pas me disperser, mais en partant d'un principe que le Moyen-Orient, quand vous travaillez sur la question de la Première Guerre mondiale, on vous dit toujours que le Moyen-Orient est considéré comme un second front. Donc, c'est un second front pour les Occidentaux. Ça n'est pas le cas pour les populations locales qui défendent leur territoire qui est attaqué. Et puis surtout, la guerre a été très active sur l'ensemble du territoire ottoman. Elle a été très active sur mer, elle a été très active sur terre, ça je vais le développer un petit peu. Et puis, elle a été très active, et là il y aurait des travaux à faire, par la question de la propagande, qui a été vraiment un élément très important, en tous les cas, comme un point de fixation des Occidentaux, avec cette question de l'appel au djihad. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Alors d'abord sur les opérations terrestre et maritime, eh bien, en fait, il y a trois grands espaces qui vont intéresser ce Moyen-Orient. Donc, je vous ai mis une carte ici. Ah, je ne peux pas accéder avec le petit curseur, mais bon, vous avez trois espaces. Vous avez le canal de Suez, vous avez la question des Dardanelles, et puis le golfe Persique. Alors, les forces engagées sur l'ensemble de ces théâtres d'opération, on utilise le vocable de théâtre d'opération quand on parle de guerre, eh bien les Ottomans engagent pendant la période de la guerre plus de 3 millions d'hommes, mais l'engagement de 3 millions d'hommes sur un territoire qui est immense, ça ne s'est pas naturellement comme sur le front français où l'ensemble des troupes sont localisées sur un front relativement étroit, même s'il est étendu dans sa longueur. Là, ici, les territoires sont immenses et les problèmes de ravitaillement vont être énormes. Ils vont être tellement énormes que la plupart des témoignages, quand on arrive à avoir des témoignages de soldats turcs, eh bien, témoignent de difficultés d'alimentation importantes pour les soldats, si bien que très vite, en fait, les Ottomans se heurtent à des problèmes d'encadrement des troupes et surtout de désertion des troupes. Donc, sur les 3 millions d'hommes, en gros, on a à peu près que 2 millions qui servent véritablement dans les troupes, parce qu'on a à peu près 1 700 000 hommes à 1 million qui sont des déserteurs chroniques ou occasionnel. Donc une armée qui n'est pas une armée tout à fait à l'occidentale, hein, qui n'est pas tenue à l'occidentale, on n'a pas tout à fait les mêmes façons de procéder, et on va voir ça a des incidences sur la suite. Alors, donc, ces troupes, il y a trois moments importants, élément, c'est la question de Suez. Naturellement, au début de l'entrée en guerre, en novembre 1914, très logiquement, les Ottomans envisagent de faire descendre des troupes le long du canal de Suez, c'est-à-dire de faire descendre les troupes le long de la Syrie et de les faire entrer dans le Sinaï pour aller bloquer le canal de Suez. Les Anglais comprennent très bien la manœuvre, très vite, ils ont des observateurs, des espions qui sont là, qui observent les passages de troupes, et ils se dépêchent d'organiser des stratégies de contournement qui vont empêcher naturellement ces troupes turques de descendre sur le canal de Suez, puisque pour eux, c'est extrêmement important de pouvoir maintenir le lien avec l'Empire des Indes qui leur fournit des soldats et un ravitaillement. Alors, cette question de l'attaque turque sur Suez va être déterminante surtout pour la suite. Elle va être déterminante parce qu'elle révèle en fait le poids stratégique de la Palestine dans la défense du canal de Suez. En fait, si vous regardez une carte, la Palestine, c'est ce qu'on appelle en termes militaires le flanc droit du canal de Suez. Et dans les négociations qui vont avoir lieu, les accords Sykes-Picot, la déclaration Balfour, le fait que la Palestine devienne un enjeu, eh bien, il faut garder à l'esprit que c'est avant toute autre raison, une question d'ordre stratégique qui est primordiale pour les Anglais. Donc, ils arrivent à neutraliser le passage des Turcs et ils arrivent à le neutraliser notamment avec cette opération de contournement qu'est la campagne des Dardanelles. Donc, la campagne des Dardanelles, officiellement, c'est une campagne qui a pour vocation à décharger le front occidental et c'est ce qu'on appelle dans la tradition maritime britannique une stratégie de contournement. On crée un second front pour faire venir les troupes turques et russes du côté de la mer Noire et Churchill, qui est à ce moment-là premier lord de l'Amirauté, envisage cette idée. Mais le plan en fait est mené extrêmement rapidement, il commence à être pensé en novembre 1914, donc très très vite après le début de la guerre, et il va être mis en application à partir de janvier 1915. Mais ce plan, quand on le regarde en détail, c'est une hérésie absolue, puisque les Occidentaux partent avec des navires qui sont des navires de guerre extrêmement puissants, cuirassés, etc. Ça, ils ont la puissance de ce point de vue-là, mais en revanche, ils arrivent dans une zone sans connaître les fonds marins, sans avoir de carte maritime, et sans savoir si les Turcs ont préparé les détroits et s'il y a des feux qui sont capables, des canons qui sont capables de tirer sur les navires. Et donc, cette stratégie de contournement va se transformer en un échec majeur à partir de mars 1915, au moment de la tentative d'avancer dans le détroit. Eh bien, un certain nombre de navires anglais et français, c'est une opération franco-britanniques, sont détruits dans les détroits, parce qu'il y a des mines dans les détroits, et finalement, les troupes franco-britanniques sont obligées de débarquer sur ce qu'on appelle le cap Ellice, c'est-à-dire le cap sud à l'entrée des détroits, et ils vont s'enfermer dans les tranchées pendant un an. La seule opération réussie de cette opération des Dardanelles, c'est l'opération de départ qui a lieu un an après, où les troupes franco-britanniques arrivent à partir en trois nuits de suite sans avoir été vues par les Turcs et sans avoir perdu un seul homme. Mais entre-temps, ça a été une gabegie complète du côté des Français et des Britanniques. Et le seul qui sort victorieux de cette affaire, et c'est important pour la suite aussi, c'est Mustafa Kemal, en fait, qui a su à la fois mobiliser ses troupes et protéger ce territoire. Troisième point de fixation de la guerre, eh bien c'est du côté du golfe Persique. Donc les Anglais essayent de pénétrer par le golfe Persique. Ils ont un revers important en avril 1916 à Côte El Amara. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les forces britanniques se réorganisent avec une force expéditionnaire de Mésopotamie qui est principalement constituée par des Indiens. Et ces forces vont réussir, elles sont nombreuses, et ces forces vont réussir à pénétrer à Bagdad en mars 1917. Mais le grand moment, en fait, de cette grande guerre, eh bien, ça va être surtout, et bon, l'affaire est connue, et vous connaissez tous l'affaire de la révolte arabe. Si vous n'avez pas vu le film sur la révolte arabe et sur le monde d'Arabie, eh bien, il faut absolument le voir, ça participera de notre formation cinématographique et ça vous apprendra beaucoup, parce que le film est, met en avant bien sûr Laurence d'Arabie, met également en avant quelques personnages arabes, mais vous avez des images qui sont absolument magnifiques. Alors, cette révolte arabe, eh bien, participe aussi de la stratégie de contournement des Britanniques, mais également, on oublie trop souvent, des Français. Alors, on retient généralement cette révolte comme un grand moment de soulèvement arabe et comme le point de départ d'une pensée nationaliste strictement arabe. Là, il faut faire attention à, justement, le film de Laurence d'Arabie, hein, qui met en valeur excessivement Faisal. Mais il y a là un raccourci historique, car l'idée de nation arabe est étrangère à Hussein, chéri de la Mecque, qui lance cette révolte. Hussein lance une révolte à la demande de Laurence d'Arabie, à la demande de ses fils, je vais y revenir, à la demande des autorités britanniques et des autorités françaises, mais il la lance en fait avec des considérations qui sont des considérations que cet homme a à ce moment-là, c'est-à-dire des considérations qui sont des considérations tribales, essentiellement. Et son idée, ça n'est pas de construire une nation arabe, mais un royaume arabe. Cette question est très importante parce qu'elle vous permet de mieux comprendre ensuite la question de la façon dont les accords Saxe-Picot ont été abordés et interprétés par la suite. Alors, cette question de la révolte arabe est importante parce qu'elle pose aussi les jalons des relations entre les Français, les Arabes et les Britanniques. Dans la mythologie qui est restée, on a toujours l'impression que la révolte arabe est pilotée par les Anglais. En réalité, les Français ont également un officier qui est sur place, un officier français, qui s'est fait musulman pour pouvoir être interdit. C'est le colonel Brémond, qui deviendra plus tard le général, et qui part avec une mission militaire française et des officiers qui sont des officiers algériens et donc musulmans pour accompagner la mission militaire britannique. Quel est le rôle de ces missions militaires britanniques et françaises? Comme toutes les missions militaires, ce sont des missions qui ont vocation à former les hommes, à amener de l'armement et à former les hommes à l'utilisation de ces armements. Et accessoirement, c'est une façon d'encadrer et de surveiller naturellement Hussein et ses fils. Alors, comment se met en place en fait la décision de mener cette révolte? Il y a d'abord des éléments qui préexistent. Il y a eu d'abord Cemal Pasha, qui est le responsable militaire turc, qui est en Syrie, qui a accusé de trahison des nationalistes arabes chrétiens et musulmans et qui ont été pendus à Beyrouth et à Damas entre août 1915 et mai 1916. Et à la suite de ces pendaisons qui menacent directement tous ceux qui s'opposeraient aux Turcs, eh bien, le shérif Hussein de la Mecque passe à la révolte après avoir entretenu une correspondance avec un responsable britannique, MacMahon, et dans cette correspondance, c'est un échange de 10 lettres, un 5 lettres de chaque côté, eh bien, Hussein monnaie son engagement contre la création d'un royaume arabe. Avec les difficultés de ces négociations par lettre qui se font en cœur, donc avec des déplacements de missiles qui sont un petit peu compliqués, qui passent par ce qu'on appelle aujourd'hui la balise diplomatique, mais la définition des contours du royaume arabe sont très floues, et pour les Anglais, il s'agit naturellement d'un royaume arabe qui est centré sur la péninsule arabique et pas ailleurs. Et cette question du royaume arabe qui pourrait être plus large, eh bien, va se réveiller après. Alors, une fois que les papiers ont été signés, eh bien, Hussein passe à la révolte le 5 juin 1916 et il se proclame roi des Arabes en octobre 1916. Et déjà, à ce moment-là, eh bien, un certain nombre de tiraillements commencent à apparaître avec les Britanniques et les Français parce que les Britanniques et les Français ne lui reconnaissent à cette date que le titre de roi du Hedjaz. Ça n'empêche pas le soutien logistique, l'organisation de se mettre en place et les premières troupes se mettent en place. Alors ces troupes sont commandées initialement par trois des fils de Hussein, dans l'ordre Ali qui est l'aîné, Abdallah le deuxième, Faisal le troisième. Il existe un quatrième fils, Zaid, mais qui est trop jeune pour les premières opérations de la guerre. On le verra de façon plus importante à la fin de la guerre. Et ces trois hommes vont commencer les opérations avec les Français et les Anglais. Très vite, Ali et Abdallah vont se révéler de piètres chefs de guerre, et c'est le colonel Lawrence qui va repérer en quelque sorte Faisal comme à la fois un chef de guerre efficace, mais Lawrence est un personnage très romantique qui fait des associations d'idées avec son passé de Britannique. Et en fait, il voit surtout en Faisal le Richard Cœur de Lion du monde arabe, et il décide qu'il va en faire le grand chef de guerre que le pays arabe attend. Et puis surtout, Lawrence est fasciné par la guerre de guérilla que mènent les Arabes, qui est le principe de la razia, hein, c'est-à-dire de faire une attaque momentanée sur un point puis se retirer. Et Lawrence, qui lui a été éduqué dans une culture de guerre qu'on dirait aujourd'hui conventionnelle, eh bien, apprend auprès des Arabes ce qu'on appelle aujourd'hui encore une guerre asymétrique, une guerre de guérilla, et c'est ce qu'il va mettre en œuvre, et c'est ce qu'il va mettre en œuvre avec succès. Alors, qu'est-ce qu'il décide d'attaquer? Eh bien, le point qui est le point central de lien entre Istanbul et les marges de l'Empire, c'est-à-dire le chemin de fer du Hedjaz, qui permet de relier en fait l'Empire ottoman à ses marges arabes. C'est une manière de couper les Turcs des Arabes encore davantage, et c'est une manière aussi d'accompagner la pénétration des Anglais et des Français sur le territoire. Alors, ce faisant, durant cette période, c'est-à-dire 1916 et 1917, phénomène important qu'il faut prendre en compte, les Français se font distancer sur un plan militaire par les Anglais. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'en France, le territoire est occupé et que les autorités militaires françaises ne veulent pas retirer d'hommes sur le front français. Et donc, ils mettent très peu de soldats dans ce Moyen-Orient. Et finalement, ce sont les Arabes et les Anglais qui vont mener la poursuite de cette révolte. Alors, le grand moment, si vous regardez le film de cette opération guerrière, c'est la conquête de la ville d'Aqaba, c'est-à-dire à la fois de pouvoir faire la jonction avec le canal de Suez, et puis surtout c'est de prendre une garnison turque et de montrer que les Arabes sont de bons guerriers. Alors, après mai 1917, et donc la jonction de la Palestine et de la péninsule arabique, les Arabes continuent à remonter vers le nord, et l'objectif pour Faisal, à partir de ce moment-là, c'est de s'emparer de Damas, la ville mythique des Omeyyades, qu'il ambitionne à partir de ce moment-là de faire le centre de son royaume. Alors, durant cette période, il y a un autre phénomène. Tout à l'heure, François Georgeon vous a parlé des bêtises des jeunes Turcs. Eh bien, dans le genre bêtises, le génocide arménien reste encore à ce jour un objet d'étude, naturellement, mais un objet aussi de polémique entre les Turcs, dire les Turcs et tout le reste des chercheurs. Alors pourquoi cette question du génocide arménien? Alors d'abord, qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui? Ce qui fait débat, c'est déjà l'emploi du qualificatif génocide. Les Turcs ne le reconnaissent pas, et ils le reconnaissent le fait qu'il y a eu une déportation, mais pas un génocide. Alors, il y a d'autres éléments dans cette question du génocide qui est important, je vais revenir. Alors, cette question arménienne et la question du massacre des Arméniens ne naît pas en 1914 et 1915 en l'occurrence. Il y a déjà eu, dans le cadre de la question d'Orient, des massacres d'Arméniens qui ont lieu en 1894, en 1896, puis ensuite en 1908-1909. Mais avec la guerre et l'ouverture d'un front du Caucase, eh bien, les Turcs craignent que les Arméniens constituent en quelque sorte une cinquième colonne, c'est-à-dire une troupe qui soit sur leur arrière et qui puisse se retourner contre eux. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, ils décident de déplacer massivement les populations et ils font voter une loi, donc la loi du 27 mai 1915, qui autorise les déplacements massifs de ces populations arméniennes. En réalité, les déplacements ont commencé déjà le mois précédent, la loi est là pour valider un système qui est déjà en place. Et dans le cadre de ces déplacements de population, eh bien, les premiers massacres se mettent en place. Alors les déplacements de population ont déjà, par les origines, la façon dont on déplace les populations, on détermine très clairement si on décide de s'en débarrasser ou pas. Et c'est un des éléments qui est dans les discussions sur le génocide. C'est à partir du moment où on déplace les gens dans le désert du côté de Deir ez-Zor, c'est-à-dire dans un territoire où il n'y a rien, eh bien vous êtes sûr que vous les condamnez à la mort. Si vous les déplacez du côté de Beyrouth et de Damas, ils ont une petite chance de survivre. Alors, en réalité, aujourd'hui, le débat sur les génocides porte sur quoi? C'est sur la question de l'intentionnalité des massacres. Les Turcs disent, parce qu'il n'y a pas de document qui prouve une intentionnalité, qu'il n'y a jamais eu intentionnalité, tandis que les Arméniens, un certain nombre de chercheurs publient surtout des témoignages contemporains, comme l'ambassadeur américain Morando, comme un historien, Arnold Tombi, qui est sur place à ce moment-là, qui va devenir célèbre par la suite, eh bien, considère qu'en fait, la guerre a servi de prétexte à l'élimination massive des Arméniens. Alors, nonobstant l'argumentaire des Turcs, eh bien, les chiffres des victimes sont éloquents. Sur une population arménienne qui était estimée très vaguement entre 1,2 million et 1,8 million avant la guerre, plus de la moitié a disparu après la guerre. Et on estime donc le nombre d'individus qui ont été tués dans ces opérations, c'est très vague, hein, entre 600 et 900 000 individus, ce qui fait dire à peu près à tous les chercheurs occidentaux qu'il y a bien eu génocide et volonté génocide. Alors, au-delà de cette question du génocide arménien, eh bien, troisième grande partie, la fin de la guerre, en fait, ou la sortie de guerre qui démarre pour cette région à partir de 1916, en fait, va laisser des séquelles très importantes, séquelles que j'ai appelées les syndromes orientaux. Ces syndromes, en fait, sont multiples, vous allez voir, je vais vous faire une liste, pas très spécifique à la première, mais qui pourrait s'en approcher. Et ces syndromes sont importants. Premier d'entre eux, c'est la question des accords Sykes-Picot. Alors, sur les accords Sykes-Picot, il faut vous méfier de ce qu'ont dit les nationalistes arabes en disant que le partage du Moyen-Orient était le partage, l'imposition en fait d'un choix français et britannique. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je ne remets pas en cause le fait que les Français et les Anglais se soient bien partagés la zone, mais ce que j'introduis, c'est important, c'est de montrer, notamment dans la première carte que vous voyez, qu'au départ, notamment grâce à l'action du colonel Lawrence, en fait, on a pensé partager ce qu'on appelle l'hinterland désertique pour les fils du Sept, c'est-à-dire pour les trois fils, les quatre fils, Ali prenait la succession de son père, Faisal, le cœur de la Mésopotamie, Zayd avec le nord, et Abdallah, ce qui va devenir l'Irak. Et en fait, en faisant cette proposition, alors que les Français ne s'intéressaient pas du tout au désert, eh bien, quand les Français vont prendre connaissance de cette carte qui ouvre une potentialité de partage d'un territoire, eh bien, les Français vont réclamer un partage à égalité avec les Anglais et proposer en fait un schéma de raisonnement qui est un schéma colonial. Les Français sont dans cette zone et revendiquent cette zone au titre d'une zone d'influence à égalité avec les Anglais et les revendications des populations arabes comptent très peu pour eux. Et donc, dans les accords Sykes-Picot, il va y avoir un moment, un virage. Alors, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de ce que Mark Sykes est très francophile et tout à fait à l'écoute, en fait, de la position de ce qu'on a appelé le Parti colonial français, qui va réclamer une Syrie, qu'on a pris l'habitude aujourd'hui d'appeler la Syrie intégrale, avec parfois des erreurs sur ce que signifie la Syrie intégrale. La Syrie intégrale des Français, c'était au départ une Syrie qui comprenait, c'était une bande littorale, qui comprenait la Cilicie au nord, qui comprenait la Syrie littorale, le Liban et Jérusalem. Et entre fin décembre 1915 et mi-1916, au moment de la signature des accords Sykes-Picot, eh bien, François-Georges Picot obtient en fait un élargissement avec l'hinterland désertique, et c'est la deuxième carte que vous voyez. Alors, dans cette carte aussi, ce qui est important, c'est que la Palestine, pour faire suite à ce que je vous disais tout à l'heure, la question de la Palestine qui fait l'objet d'un débat entre les Français et les Anglais qui n'arrive pas à être résolu, eh bien, va être en quelque sorte fossilisée. Cette Palestine va être internationalisée de façon à laisser en suspens la question du positionnement de la Palestine. Alors, pour Faisal et pour Hussein, son père, eh bien, quel est le problème de ce découpage? D'abord, le découpage est secret. Faisal apprend au cours de l'année 1917 la nature du découpage. Et lui, qui s'était jusqu'à présent entendu avec les Français et les Anglais, mais principalement avec les Anglais, est obligé tout d'un coup de changer son fusil d'épaule et de trouver à s'entendre avec les Français, raison pour laquelle il se précipite à Paris à la conférence de la paix et va chercher à négocier avec Clémenceau, avec Georges Clémenceau, eh bien, la nature de son territoire futur. Alors, ça va donner naissance en fait à des négociations très importantes sur ce que vont être les mandats orientaux. Et Fessal va essayer de discuter en fait la question de son territoire. Et la discussion importante pour lui va se faire à travers ce qu'on appelle la commission Kincren. La commission Kincren, c'est une commission de deux diplomates qui sont envoyés par le président Wilson pour prendre le pouls en quelque sorte des populations locales. Cette commission en fait va aller voir les élites urbaines principalement qui vont toutes réclamer leur indépendance et qui vont toutes réclamer des territoires indépendants les uns aux autres. Fessal s'appuie sur cette commission Kincren pour réclamer son indépendance, mais au moment où la commission Kincren est en Orient pour faire son tour, eh bien, la Société des Nations détermine dans son coin que les territoires vont être des territoires sous mandat, répartis à égalité entre Français et Anglais, et Fessal se trouve en quelque sorte eh bien, obligé de parlementer avec les Français. Alors ça va donner lieu à une série de traumatismes qui vont être importants, et pour Fessal, le traumatisme véritable, ça va être l'affaire de Cannes et Saloun. Cannes et Saloun, c'est le combat de juillet 1920 qui va mettre fin au nationalisme de Fessal et aux espoirs de Fessal de s'installer en Syrie. Il affronte en fait dans ce combat le général Gouraud qui vient d'être nommé haut commissaire en Syrie au Liban. Et pourquoi il y a affrontement alors que Georges Clémenceau a promis à Fessal un territoire indépendant? Eh bien parce que en fait il y a un problème de maintien de l'ordre. Fessal est débordé par des positions des nationalistes qui l'entourent qui sont très virulents, qui ne sont pas prêts à accepter les mandats et qui pensent qu'il faut attaquer les Français. Gouraud, qui est un militaire, impose à Fessal, impose un réquisit de maintien de l'ordre en disant soit vous réussissez à maintenir l'ordre sur le territoire et dans ce cas-là on discute la question de l'indépendance, soit vous n'y arrivez pas et dans ce cas-là c'est moi qui règle le problème. Il y a des discussions très importantes entre les deux hommes qui durent plusieurs mois. Ces discussions sont passionnantes, elles sont extrêmement intéressantes et elles montrent très bien que la possibilité en fait de négocier a existé réellement. Et l'affaire va s'enrayer à cause, je vous ai mis une petite carte ici, à cause de ce qu'on appelle le nœud ferroviaire de Rayac. Rayac, c'était un nœud ferroviaire qui permettait en fait d'envoyer les troupes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et les troupes de Fessal ne cessent d'attaquer, les troupes de Fessal qui sont des irréguliers, ne cessent d'attaquer Rayac et à un moment, Gouraud décide de régler la solution par la force. Donc cette affaire de Cannes et Saloun, eh bien, va être une grosse affaire avec des tanks. Vous voyez ici des illustrations avec des tanks dans Damas. Et les forces de Fessal vont être défaites dans la journée. Alors Fessal est obligé de fuir auprès des Anglais. C'est la fin du rêve arabe syrien de Fessal. Et c'est la fin d'un premier rêve nationaliste. Il va y en avoir un deuxième après, dont je vais vous parler très vite. Deuxième traumatisme important du côté des Turcs, c'est la question du traité de Sèvres et de la disparition du califat. Je fais très vite. Le traité de Sèvres, eh bien, c'est le traité qui est signé après l'armistice de Mondros, mais qui réduit la part de la Turquie à un petit territoire et qui fait que Mustafa Kemal réagit très vivement, reprend la guerre, notamment contre Gouraud, qui se trouve face à Fessal et Mustafa Kemal. Et cette guerre, en fait, va obliger les Français à négocier pour le coup et va déboucher sur le traité de Lausanne en 1923 qui va permettre aux Turcs d'avoir un territoire non seulement élargi, mais un territoire qui leur évite d'avoir à négocier avec les Turcs et avec les Arméniens. Dernier point, j'ai une illustration sur la suppression du califat qui est un des éléments importants dans les traumatismes intellectuels du monde arabe, c'est la question de la suppression du califat. Mais M. Georgeon vous a dit tout à l'heure que cette question avait été partiellement préparée, en fait, les esprits étaient préparés intellectuellement. Et il y a un dernier point, je n'ai pas de présentation visuelle à vous donner, qui est la révolte de Druze de 1925-1926, qui est la dernière étape, en fait, la dernière tentative nationaliste des Arabes syriens, révolte de Russes qui apparaît en 1925, mais que, en réalité, dans les archives, on voit apparaître dès 1922. C'est l'idée que ce petit territoire qui est au sud de la Syrie, en fait, veut avoir sa part, en quelque sorte, dans la création de la Syrie qui se constitue sous l'égide de Bourreau. Et ne l'obtenant pas, eh bien, l'un des représentants de la famille importante du djennet russe, la famille Al-Atrash, eh bien, se révolte. Cette révolte va être extrêmement violente du côté des Druzes, et la réponse française va être encore plus violente, où il va y avoir un bombardement sur Damas, sur les civils à Damas, et c'est véritablement la fin, en fait, des révoltes dans le monde arabe. Et ça va être le début, surtout, de la construction d'un nationalisme qui va être un nationalisme d'ordre politique. En conclusion, eh bien, cette guerre dans le monde arabe, en fait, il y a véritablement une périodisation de cette guerre à revoir. La question des dates, je n'ai pas de date claire à vous proposer parce qu'on peut choisir plusieurs dates. Il y a 1911, 1926, 1906 aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Nadine Picotot avait retenu des dates qui sont en général retenues, 1914-1923, mais assurément, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas prendre 14-18 pour cette zone. Ça doit être tout à fait clair pour vous. Deuxième élément, la transformation géographique du territoire, qui s'appuie à la fois sur la volonté initiale des populations locales, elles ont participé aux négociations contrairement à une idée reçue, et certaines de ces populations s'en sont plutôt bien tirées, c'est le cas des Libanais notamment. A l'inverse, les Kurdes et les Arméniens font les frais de cette guerre. Les sionistes vont plutôt bien s'en sortir aussi, donc en fait il y a une reconfiguration sur des bases qui vont être désormais des bases nationales qui sont mises en place à ce moment-là. Troisième point de la conclusion, les populations sont traumatisées par la guerre, mais ce traumatisme malheureusement reste assez peu étudié encore aujourd'hui dans nos travaux, tout simplement parce que la période qui suit, à l'époque des mandats, est une période de développement économique intense qui a laissé ensuite, postérieurement, l'image d'un âge d'or. Donc on a oublié la période précédente qui avait été douloureuse, et de ce fait, elle est finalement assez peu étudiée en tant que période traumatique, alors qu'elle a été véritablement. Et puis, dernière chose, eh bien, cette période de 1925-1926 donc, clôt la guerre, naturellement, mais ouvre la période suivante, qui va être la grande période jusqu'aux années 60-70, et même pratiquement jusqu'à la fin de votre programme, qui est celle des nationalismes. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Habituel, la parole est à la salle pour ceux ou celles d'entre vous qui voudraient poser des questions. Alors, j'avais une question sur la révolte de 1905. Est-ce que vous pouvez voir la révolte des Druzes ou la grande révolte syrienne plutôt de ce débat-là? Est-ce que c'est une révolte contre, enfin, uniquement limitée aux Druzes ou plus étendue qui serait une remise contre, pour une remise en cause de la Syrie dans la terre? La révolte de 1925. De 1925. Voilà. Alors, la révolte druze de 1925, on l'a beaucoup présentée comme une révolte nationaliste et de remise en cause de la Syrie mandataire. En réalité, quand on regarde les documents, c'est plus complexe que ça, parce qu'on tombe très vite sur un schéma qui est un schéma, encore une fois, tribal, et la question doit être appréciée au sein de la famille Al-Atrash. Comme tout clan, la famille Al-Atrash, c'est une famille très vaste. Monsieur Georgeon vous l'a dit tout à l'heure, il y a aussi un problème d'ordre générationnel. Les anciens de la famille Al-Atrash s'accommodent très bien de la Syrie mandataire. Pourquoi? Parce que le système de gouvernement qu'a choisi Gouraud, et un petit peu ses successeurs, c'est de payer les gens, c'est-à-dire de financer sur des fonds secrets, la pacification des territoires, pour reprendre des vocables coloniaux. Donc on paye les populations pour qu'elles se tiennent tranquilles. Et donc, les anciens de la famille Al-Atrash acceptent ce système. Simplement, Soltan Al-Atrash, qui est beaucoup plus jeune, qui a été très proche des nationalistes, lui n'accepte pas ce système de paiement et se révolte. Et puis surtout, lui n'a pas la main sur les subsides. C'est pas lui qui les a, tout simplement. Donc il n'a pas intérêt à soutenir ce système. Et donc, dans les premières négociations qui apparaissent, Soltan réclame de l'argent, tout bêtement. Et quand il ne l'obtient pas, eh bien, il commence à se mettre en opposition avec les autorités françaises qui sont sur place, et il a un prétexte tout trouvé, c'est qu'en 1922-1923, il y a eu un officier qui était chargé en fait d'administrer le Djebel Druz, qui était le capitaine Carpillier, qui était un officier de la coloniale, qui a voulu absolument développer ce territoire et qui a eu une position, pour reprendre un terme un peu anachronique, mais un peu staccanoviste, et qui a exaspéré les populations locales au point qu'elles se sont révoltées parce qu'elles trouvaient qu'elles étaient, qu'on faisait, pour reprendre une expression coloniale, ce que nous sommes. Et donc, à partir de 1924-25, il y a des tensions locales et l'affaire de la révolte druze part d'une petite affaire qui s'enflamme. Il y a un officier dont l'avion s'écrase. L'officier est récupéré par des Druzes, transmis à Soltan Al-Atrash, qui le fait souffrir. Et quand l'officier arrive à rentrer à Beyrouth, il meurt de ses blessures. Donc on envoie une colonne pour punir en fait les Druzes. La colonne est décimée, on envoie une deuxième colonne de secours avec beaucoup de force. La colonne est à nouveau décimée. Et donc c'est une affaire énorme, ça prend des proportions énormes côté français. Et à ce moment-là, on décide d'envoyer vraiment la grosse artillerie, et c'est Sarraï qui va s'en charger. Donc Sarraï, qui est un député radical, qui décide en fait de bombarder Damas. Donc l'affaire nationaliste et la question mandataire est tout à fait secondaire. C'est une reconstruction ultérieure en fait pour donner un cadre politique à une affaire qui est une affaire de type colonial, presque classique de gestion des territoires. Et au départ, en fait, cette affaire aurait pu être réglée autrement si Carpillier, d'une part, n'avait pas eu l'attitude qu'il avait eue, et si Sarraï, qui n'était pas un colonial, qui ne connaissait pas non plus les pratiques de commandement, avait eu un autre comportement. Donc c'est une affaire qui a été malheureuse pour les Russes et pour les Français, et qui va avoir des incidences énormes par la suite, parce que politiquement, à partir de ce moment-là, les Français sont grillés aux yeux des nationalistes arabes. Une autre question ? Oui, pourquoi vous parlez du génocide arménien ? Qu'est-ce que ça a à voir avec le nationalisme arabe ? Alors, le génocide arménien a été abordé ici comme un élément important de la guerre. Hein, le génocide comme prétexte, plutôt la guerre comme prétexte pour le génocide. Vous avez parlé de cette énorme romantique du nationalisme arabe qui pourrait être adopté par Laurent Zarrab, si j'ai bien compris. Est-ce que du côté français, il y avait aussi des gens qui portaient. Enfin, on a vu du coup que les Français, eux, se partageaient, ils ne semblent pas avoir beaucoup de considération pour ça. Est-ce qu'il y avait un héritage, je ne sais pas, du Second Empire, qui fait qu'on avait aussi peut-être envie d'un royaume arabe dans cette région ? Ou d'une nation arabe ? Oui, alors complètement, effectivement. Et du côté donc du colonel Brémond et de son équipe, où il y a donc des officiers qui sont des officiers algériens, c'est-à-dire nés en Algérie, hein, et qui sont arabisants, qui s'intéressent à l'islam, et bien, et qui sont, pour reprendre un vocable qui est un vocable en fait des années 1910-1915, qui sont indigénophiles. Donc il y a toute une veine indigénophile en fait dans la pensée militaire française et dans la pensée parlementaire française qui se croise. Elle s'exprime de façon assez claire entre 1908 et 1912, au moment de la révolution jeune turque, et elle alimente en fait une révolution de type jeunes arabes aussi. Donc on va la retrouver, et quand on choisit en fait l'équipe pour envoyer la mission militaire, on choisit des gens qui sont favorables à cette idée de nation arabe. Par rapport à Picot qui sont d'un autre bord, il y a des tensions. Alors Picot est effectivement d'un autre bord. Alors là, c'est tout l'enjeu en fait de la gestion des affaires coloniales au sens large dans le monde français. On retrouve aussi ce problème du côté des Britanniques. Les questions coloniales, en fait, du côté français, la grande difficulté, c'est de savoir quel est le ministère qui doit avoir la main sur les affaires coloniales. Au départ, c'était l'armée, hein, avec la première expédition de 1830. Ensuite, ça va être le ministère de l'Intérieur qui prend la main en Algérie. Et puis, petit à petit, ce sont les affaires étrangères qui, à travers les protectorats, prennent la main sur les affaires coloniales au moment où il y a la naissance d'un ministère des colonies. Et puis, il y a toujours les autres ministères qui sont là, qui prétendent avoir des droits et des compétences, en fait, pour gérer tout ça. Donc, ça crée, en fait, des divisions internes dans le système français. C'est pour ça, quand on parle du système colonial français, c'est un terme très générique, mais il faut entrer dans le détail, parce que c'est finalement très complexe. Et on a exactement cette même complexité du côté britannique, avec des décisions qui se prennent à Delhi, au Caire et à Londres. Mais au sein du monde militaire français, en fait, Georges Picot relève du monde de la diplomatie et connaît très peu le monde arabe quand il arrive en 1914-1915. Et lui, en même temps, va écrire pourtant des lettres en 1915-1916 en disant qu'il est choqué de voir des gens qui règlent les questions du monde arabe sans les connaître. Donc, et de fait, c'est un véritable problème, c'est que la connaissance qu'ont les Occidentaux, c'est-à-dire Français et Britanniques, de ce monde arabe particulier, est vraiment très peu importante. Les Français, effectivement, vous avez raison, connaissent le monde arabe maghrébin. Là, ils ont une vraie expertise, en quelque sorte, mais très peu d'expertise sur le monde arabe du Mashrek. Et l'éclairage français, on leur a d'ailleurs beaucoup reproché, c'est d'avoir un éclairage qui soit téléguidé par les maronites, qui sont donc des chrétiens, et qui vont téléguider effectivement les premières orientations du haut-commissaire Bourreau quand il arrive en Syrie. Une dernière question. Vous avez dit qu'au début, les Français ne s'intéressaient pas du tout à la péninsule arabique, mais n'avaient-ils pas conscience qu'en fait, il y avait déjà qui a fait des pétroles dans cette région-là? Je crois qu'on avait déjà découvert des pétroles dans la région. Alors, j'ai pas entendu toute votre question. C'était par rapport à la question du pétrole, est-ce qu'on avait conscience de l'existence de pétrole dans ces régions-là? Est-ce que les Français ne s'y intéressaient pas parce que les Britanniques se sont quand même lancés dans l'affaire assez rapidement? Alors, je vais pas trop dévoiler la conférence suivante de ma camarade Guillemette, mais les Français. Alors, d'abord, si vous voulez, quand vous dites les Français, c'est très vague. Parce que, encore une fois, qui les Français? Est-ce que c'est le parti colonial? Est-ce que c'est le ministère des Affaires étrangères? Donc il faut identifier qui et qui a la main à quel moment. Donc ça c'est une première chose. Et l'orientation française, en fait, c'est une orientation qui s'appuie sur des traditions. Et la tradition française en Orient, en fait, c'est tout simplement une tradition chrétienne. Les Français sont les grands protecteurs des chrétiens d'Orient, donc depuis François Ier, et c'est ça qui constitue véritablement leur tradition. Donc ce sont des traditions chrétiennes et commerciales en lien avec Beyrouth, et c'est ça au départ qu'ils cherchent à protéger. Alors après, plus tard, il va y avoir effectivement la question du pétrole, il y aura plus tard la question de Mossoul hein, dans le partage qui va être fait, mais vous le savez, Mossoul va être abandonné ensuite par Clémenceau, qui laisse la ville de Mossoul à Lloyd George, parce qu'il considère que ce n'est pas très important. Alors, ce faisant, naturellement, ils se trompent, parce qu'ils montrent que les grands hommes peuvent avoir raison aussi, mais ce faisant, ça montre bien que les problématiques sur le pétrole ne sont pas bien claires en France. Au même moment où Clémenceau lâche Mossoul, il y a tout un tas de publications qui sont faites en France pour dire qu'il ne faut surtout pas lâcher Mossoul et il faut garder ce territoire. Simplement, ces personnages ne sont pas entendus, ils ne sont pas dans les allées du pouvoir et ils ne peuvent pas faire valoir leurs idées. Donc, Mossoul va appartenir aux Anglais. Je ne suis pas d'accord. Bien. Merci. Et nous allons faire une pause de...